Ici Maxime Coutier. Aujourd'hui, l'histoire, l'homosexualité dans le cinéma québécois. On fait référence à New York, au village Greenwich Village à New York, et également au nouveau village gay de l'Est à Montréal. Ça va déborder éventuellement de la thématique gay, mais disons que pour commencer, on essaie d'aller chercher les films gays qui n'ont pas été distribués. Disons que la clientèle gay vient mm-hmm. au cinéma sans problème. Malheureusement, la clientèle hétérosexuelle a un peu peur à cause justement de l'étiquette gay oui. qu'on nous a donnée en partant. Là. Et ils viennent pas à cause que c'est gay. Mais on s'adresse, c'est des films que tout le monde devrait voir, je crois. Au propos de Bernard Rousseau au micro de Minou Petrovski en 1984, parlant de ce nouveau cinéma, le cinéma du village, un endroit niché qui présentait des films gays, un thème plutôt discret dans le cinéma québécois. L'homosexualité se vit mal au grand écran à l'époque. Elle est cachée, absente, trop souvent caricaturale, au mieux suggérée. Alors, une évolution évidemment à l'image de la société. Les homosexuels se sont faufilés au cinéma, timidement, dans les années 60, en même temps que la Révolution tranquille et la naissance d'un véritable cinéma québécois moderne. Des caresses à fleurs de peau qui durent des heures et qui rendent mon âme plus lisse qu'un étain. Gestes habiles mais aussi cruels, car sur ce bouton que j'ai là et qui me gêne, ou à l'endroit de mon front que la calvitie menace, elle passe et repasse, comme si elle fouillait une plaie avec son doigt. Étrange mélange de délices et de supplices. Amour, aimes-tu les garçons? Hein? Est-ce que tu aimes les garçons? Je ne dis pas oui, pas plus que je ne dis non. Ainsi s'échappe le secret que je séquestrais depuis des temps plus lointains que mes premiers souvenirs. Joanne a fait cela. De ses mains de femme, elle a ramassé le plus lourd de mon fardeau. Elle m'a fait avouer l'inavouable, et je n'ai pas eu honte, et je n'ai pas eu mal. Et maintenant, tout est changé, car cette impérieuse aspiration, jamais assouvie, de tourment qu'elle était, a pris la forme d'un espoir. Un extrait du film « À tout prendre » de Claude Jutras, souvent considéré comme le premier film moderne du cinéma québécois, c'était en 1963, probablement des premiers à l'époque à aborder la question de l'homosexualité, discrètement, c'est une seule scène. Alors pour parler de la place de l'homosexualité au cinéma, avec moi, André Lavoie, critique de cinéma au journal Le Devoir, auteur d'une maîtrise sur le sujet dans les années 90. Bonjour. Bonjour Maxime. Pourquoi c'est emblématique ce film-là? Bien, c'est emblématique parce que vous l'avez dit, c'est quand même un film qui annonce une nouvelle vague québécoise. C'est un film audacieux, très personnel, qui s'inspire aussi beaucoup de ce qui se fait en France, de la nouvelle vague française. Mm-hmm. On a beaucoup dit que « À tout prendre » de Claude Jutras était très imprégné de la démarche de Jean-Luc Godard, mais ce qu'on disait moins à l'époque, et ce qui, pour certains, est peut-être moins frappant, c'est qu'il était aussi imprégné des démarches d'artistes comme Jean Genet et Jean Cocteau, où là, une sensibilité homosexuelle, une esthétique gay était nettement plus présente. Donc, Claude Jutras s'imprègne un peu de tout ça, même si, vous l'avez dit, il aborde la question frontale de l'homosexualité d'une manière très discrète. D'ailleurs, lorsqu'on voit le film, cet échange entre le personnage incarné par Joanne Harel et Claude est uniquement sur la bande sonore. Ce qu'on voit à l'écran, c'est les deux acteurs enlacés. Mm-hmm. Donc, ce que ça indique, c'est que sur le plateau, on a tourné ça, mais c'est après qu'on a enregistré cet échange-là, visiblement pour ne pas froisser les techniciens ah oui, qui étaient sur le plateau. À l'abri des regards ou des oreilles. Oui, exactement. Oui. Ouais. Bon, évidemment, mais avant ça, parce qu'on dit c'est le premier, c'est emblématique, avant ça, est-ce qu'on abordait le thème de l'homosexualité? Bien, il y a toujours eu, depuis la naissance du cinéma, des références à l'homosexualité, dès les premiers films muets, mm-hmm. sauf que c'est sûr que ça a toujours été un thème très délicat pour la simple et bonne raison que depuis des siècles, dans beaucoup de sociétés, il y a eu énormément de répression. Lorsqu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on apprend qu'il y a 400 000 homosexuels qui sont enfermés, tués dans les camps de concentration nazis, c'est sûr qu'après, ça ne favorise pas nécessairement l'affirmation de l'homosexualité. Un autre exemple, c'est seulement dans les années 70 que les associations médicales américaines, dont l'Association de psychiatrie, va rayer l'homosexualité de la liste des maladies. Mm-hmm. Donc, ce sont... et par exemple, au Québec, en ce qui concerne le Québec, lors d'Expo 67, Et pendant les Jeux olympiques de 1976, il y a eu d'énormes répressions contre les homosexuels. Donc, tous ces événements-là, toutes ces situations-là font en sorte que c'est difficile pour un groupe déjà marginalisé de prendre sa place et bien sûr de prendre sa place au cinéma. Tout à fait. D'où l'importance de ce film. On est au début des années 60. Il y a le vent de la Révolution tranquille qui souffle sur le Québec. Autre film, quelques années plus tard, c'est en 1966, projeté 3 ans plus tard, en 1969, au Saint-Denis, « Délivrez-nous du mal » de Jean-Claude Laure, où là aussi, on aborde le thème. D'ailleurs, je voyais, il y a une annonce dans le journal de la presse à l'époque où on disait, en gros, le premier film canadien sur l'homosexualité. Or, c'est assez discret. On écoute. Je réserve 2 chambres. Réserve-en 10, si tu veux. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. 2 chambres, s'il vous plaît. Avez-vous une réservation, monsieur? Madame! N'oubliez pas, là, pour monsieur. Toujours 2 oreillers. Des draps propres tous les soirs. Pas de couverture de laine, il supporte pas. Il est allergique à la poussière. Il est même allergique au fer. Viens par ici, viens, viens. Viens, on va danser ensemble, hein? Hein? On va danser ensemble, collés, serrés, tous les deux, comme 2 petits chaussiers à moi. Ça va faire chier les filles. Ne recommence jamais ça, Georges. Parce qu'alors, je serai obligé de te tuer. C'est un film qui est curieux, hein? Oh. Oui, mais en même temps, sur le plan sociologique, ça demeure quand même un film intéressant à voir, ne serait-ce que justement par la manière j'oserais pas dire culpabilisante, mais la manière assez étonnante dont on présente le sujet, mm-hmm. de manière assez frontale, en tout cas du moins sur le plan des dialogues, parfois, et aussi, il y a quand même tout ce sentiment de culpabilité qui entoure le personnage d'Yvon Deschamps, qui était quand même assez réaliste. Bon, le personnage incarné par Guy Godin, qui est une sorte de bisexuel un peu beaucoup manipulateur. Oui, pas mal, oui. Oui, ça restait quand même, comme je vous disais, sur le plan sociologique, intéressant, mais c'est sûr que c'était pas du grand cinéma et même mm-hmm. Jean-Claude Laure reconnaît toutes les maladresses qu'il y a dans ce film. Oui, mais on sent en même temps l'homosexualité qui est refoulée, hein, qui est cachée. Oui, puis oui. Vous l'avez dit, c'est assez maladroit. Ça reflète aussi le malaise. Oui. Et sur ce point de vue-là, ça reste un document. Mm-hmm. Tout à fait. Qui a son intérêt. Oui. Alors, années 70, hein, on saute une décennie, on est dans la suite. Évidemment, années 70, période d'affirmation nationale, période de revendication aussi avec les premières manifestations homosexuelles aux États-Unis, à New York, à San Francisco, un peu partout. Au Québec, il y a un film qui est emblématique de cette période-là. Il était une fois dans l'Est d'André Brassard. C'est un grand film, même si c'est un grand film bancal, un peu mal foutu. Il était une fois dans l'Est, c'est 2 choses. C'est à la fois un collage de l'univers théâtral de Michel Tremblay, qui est le grand collaborateur d'André Brassard, mais c'est aussi un film extraordinaire où prostituées, femmes de milieu ouvrier, homosexuelles, travestis, lesbiennes, sont tous sur le même pied, c'est-à-dire qu'ils sont tous victimes d'aliénation, d'oppression, et ils se mélangent parfois avec beaucoup, beaucoup de tension, mais aussi avec une certaine solidarité. Et dans ce sens, ce film-là est extrêmement fort sur le plan symbolique, avec des performances remarquables, souvent par des acteurs qui ont déjà incarné les personnages que l'on voit à l'écran. Mm-hmm. Donc, ils les habitent totalement. Et il y a une force, même dans son côté totalement brouillon, il y a une force évocatrice très, très grande, ce qui en fait pas nécessairement un grand film gay, mais un grand film qui montre à quel point les groupes marginalisés, l'impact de la marginalisation sur certains groupes et la force de leur parole. Et André Brassard, dans ce film, leur donne la parole, grâce évidemment aux mots, au dialogue extraordinaire de Michel Tremblay. Mais Il était une fois dans l'Est, c'est une sorte de film coup de poing et ça bouscule beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de préjugés qu'on peut avoir sur ce milieu-là. tout en le dépeignant d'une manière pas toujours très élogieuse. Non, assez caricatural aussi. Oui, hein, oui, oui. Il y a beaucoup d'excès. On est dans les travestis, on est dans cet univers-là, univers de Tremblay. Mais vous avez dit qu'il le dépeint peut-être pas de la bonne façon. On va écouter justement Micro-trottoir à l'époque. Vox Pop, réalisé par la journaliste Marie-Hélène Poirier. Émission présente, on est en 1974. On écoute. On a quelqu'un qui a joué dans le film. Non? Quelqu'un qui a joué dans le film? Ben, viens-t'en. Quel rôle tu as tenu dans le film? Figurant. J'étais assis à une table, puis je faisais ce qu'il me disait. Puis quand j'étais dans la pelotine, on applaudit. Tu étais travesti? Oui, oui. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu es venu voir ce film ce soir? Hein? Ben, la curiosité paraît comme tout le monde. Je pense que personnellement, c'est qu'on a présenté l'homosexualité d'un côté commun. Parce qu'il y a des homosexuels qui font une très belle vie, une vie très mondaine, et des gens qui sont très, très bien. Alors, ça, dans la vie, je pense que les gens, souvent, on ne choisit pas ce que l'on veut, on accepte ce qu'on devient. Un jour viendra qu'on fera sûrement une belle histoire, qu'on expliquera le bon milieu d'homosexuel. Avez-vous l'impression que c'est vraiment le milieu de la mine, le milieu de l'Est qu'on montre dans ce film-là? Ben disons, je l'ai pas haï, mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de choses, puis un peu moins de... T'sais? Il y avait un peu trop de tapettes de choses. Ça donne une mauvaise image. Moi, j'ai trouvé que c'était un film admirable. Est-ce que vous vous retrouvez dans un film comme celui-ci? Oui, Moi, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est qu'il a su entrer dans la peau des femmes, parce qu'en fait, c'est un film sur les femmes, beaucoup de tapettes, quand même. Je trouve ça vraiment extraordinaire pour un homme de pouvoir s'identifier aux femmes de cette façon. Beaucoup de tapettes, mais on sent qu'on est dans une autre époque, là. Hein? Oui. Il y a encore beaucoup de préjugés. Là. Oui, et c'est sûr que ce film-là peut sembler en renforcer certains, mais on voit à l'écran des gens qu'on voit pour ainsi dire jamais et qui s'expriment de manière forte, flamboyante, audacieuse. On ne prend pas de détour. Alors, pour moi, ça reste un des grands films, si on veut, de ce qu'on pourrait appeler l'esthétique gay. Là. Ça m'embête un peu de dire ça comme ça, mais ça reste quand même... Et un film toujours charmant à revoir malgré le côté rentre-dedans du propos. Effectivement. On est, bon, plus tard, années 80, parce que là, on était en 1974, 1973, avec Il était une fois dans l'Est, on s'en va à la décennie suivante, 1980. Là, les choses changent. Hein, on en revient au propos du début. On parlait de la naissance de ce village gay dans l'Est. Mm-hmm. Quoi, il y avait déjà une vie homosexuelle au centre-ville à Montréal avant ça, mais il y a le village gay, ce cinéma du village qui projette des films gays, les homosexuels qui défilent dans les rues, la gay pride un peu partout. Là, on sort un peu de la caricature, justement. Les personnages ont plus de substance, non? Oui, mais en fait, il se passe plusieurs choses à cette époque-là. D'abord, il faut souligner que le cinéma québécois, on pourrait dire, se professionnalise. Mm-hmm. D'ailleurs, même sur le plan esthétique, on le remarque, les films sont de plus en plus léchés. Et l'autre chose aussi, c'est que pour ce qui est de la communauté homosexuelle et plus tard pour tout le monde, parce qu'au début, on a pensé que c'était seulement réservé aux homosexuels, il y a l'apparition du sida qui change un peu, parce qu'on a senti qu'au fur et à mesure que les années 70 défilaient, qu'il allait avoir une acceptation pleine et entière. Et là, le sida a un peu freiné tout ça. Mais dans les films, et de plus en plus, il y a des personnages homosexuels qui se sont affirmés, que l'on a vu, et qui n'étaient pas nécessairement toujours des victimes. Parce que ça a souvent été ça. Mm-hmm. C'était des êtres torturés qui songeaient au suicide et qui se sentaient coupables de tout. Et là, tout à coup, on a vu de plus en plus de personnages, pas nécessairement les personnages principaux d'ailleurs, mais de plus en plus, qui prennent leur place, qui partagent le quotidien des personnes hétérosexuelles autour d'elles. Et ça fait en sorte qu'on a une variété beaucoup plus grande de personnages qui vivent des réalités différentes. Un bon exemple de ça, c'est Le déclin de l'Empire américain, tout à fait, ben oui. Où le personnage d'Yves Jacques est parfaitement intégré au groupe. Oui. Mais, fait partie de cette communauté, ce sont des amis. Mais en fait, l'autre chose aussi qui est un peu malhabile, mais il faut quand même nous ramener dans le contexte, le film était tourné en 1985 et c'est en 1981 dans le New York Times qu'on apprend officiellement dans un grand média pour la première fois qu'il y a ce fameux cancer. Mm-hmm. Donc, la façon dont Denis Arcand va illustrer le fait que peut-être que c'est suggéré d'une manière un peu malhabile, d'ailleurs. Mais donc, ces personnages-là prennent de plus en plus de place. Un autre exemple intéressant à cette époque-là, c'est le film de Yves Simoneau, Pouvoir intime, qui, pour ceux qui l'ont vu, souvent ne se rappellent pas que un des personnages les plus importants, celui qui va faire déraper le cambriolage d'un camion blindé par un groupe qui veut ramasser et de l'argent et des documents compromettants, celui qui va faire complètement dérailler ce plan-là, c'est un gardien de sécurité homosexuel incarné par Robert Gravel, et ça va être un véritable action hero, si je peux employer cette expression. Et donc, mais les gens se souviennent peu de cet aspect-là, mais il en demeure pas moins qu'à la fin du film, l'amant de Robert Gravel, qui est joué par Jacques Lussier, et Marie Tifo, qui fait une femme très, très, très masculine. Ce sont les deux seuls survivants de cette opération ratée, et ce sont eux qui vont se partager le magot. Et le film se termine comme ça. Et j'avoue que j'ai toujours trouvé, à l'époque comme aujourd'hui, qu'il y avait beaucoup d'audace dans cette manière de rassembler deux marginaux et que ce soit eux qui triomphent au final. Ce qu'on ne voyait pas auparavant. Et là, on revient toujours à ces personnages-là qui se complexifient, qui font partie de la société. Même chose dans les années 90, peut-être. Hein? J'ai l'impression que là, on évolue encore. Souvenez que j'en ai en même temps. Oui, l'homosexualité, elle est présente, mais le cinéma est peut-être un peu sombre, peut-être à l'image des années 90 aussi. Tout à fait, oui. Et c'est ça reste dans des films, je dirais pas niché, non, mais disons, en parallèle peut-être, ou oui, moins grand public. Oui, en fait, faut dire aussi qu'à partir des années 80, il y a eu l'apparition de Léa Paul, qui a abordé l'homosexualité féminine et les relations entre femmes dans plusieurs de ses films, et elle a continué par intermittence. Donc, elle était là. Des années 90 aussi, la question du sida a été abordée de manière plus franche, dans beaucoup de documentaires, plus que dans le cinéma de fiction. Il y a quand même, à cette époque-là, l'adaptation de la grande pièce de Michel-Marc Bouchard, Les Feluettes, par un cinéaste canadien-anglais, qui s'appelle John Grayson, qui est le premier à avoir porté à l'écran, bon, pas au cinéma, à la télévision, Michel-Marc Bouchard avait déjà été adapté, mais au cinéma, ça sera le premier d'une série de grandes pièces de Michel-Marc Bouchard qui sera adapté, qui aborde... pas seulement, mais qui aborde en partie la question de l'homosexualité. Mais c'est sûr que c'est une décennie aussi de d'autres cinéastes arrivent. Manon Brillant, par exemple. Manon Brillant, Denis Langlois. Avec Pascal Bussière aussi. Tout à fait. Dans scène, ces personnages. Mais là encore, je disais, sans nécessairement que ce soit des films très, très, très nichés, mais on n'est pas dans le grand, grand, grand succès commercial. Puis ça arrive dans les années 2000. Hein, un phénomène particulier, un des plus grands succès commerciaux, a pour thème principal l'homosexualité, justement. On veut que tu aies un extrait, je pense que ça n'a même pas besoin de présentation. Contrairement au père de mes amis qui étaient tous banals et sans intérêt, le mien était le meilleur au monde. Ground control to major. Dommage que t'as fait là! C'est rien passé, là! Commencing. Un homme de toi une fois dans ta vie, puis dis la vérité! C'est comme les autres. Dieu merci, tu ne seras jamais. Check ignition and may God's love be with you. Pour fuser la plus belle chose qui peut t'arriver dans la vie, d'avoir des enfants. Il n'y a rien de plus beau. This is ground control to Major Tom. Grand succès, Crazy, Jean-Marc Vallée en 2005. Là, on sent qu'on est rendu ailleurs, non? Oui. En fait, Crazy, c'est un grand film, pas nécessairement ou pas seulement parce qu'il aborde l'homosexualité. C'est un grand film sur une époque, c'est un grand film sur une famille québécoise. Il y en a eu beaucoup, mais grâce à la virtuosité de la mise en scène, ne serait-ce que par la bande sonore. La musique aussi, la on musique est extraordinaire. Oui, qui est très, très et forte, aussi là. Le fait que le personnage de Zachary, en fait, c'est sûr, interprété par Marc-André Grondin, c'est sûr que c'est, on peut dire que c'est la typique sortie du placard laborieuse devant un père qui a beaucoup, beaucoup de difficultés à comprendre ce que vit son fils. Et c'est sûr que c'est un grand affrontement entre ces deux personnages-là, mais il y a tellement de choses qui se passent autour aussi que, encore là, c'est pour ça que c'est un grand film populaire, c'est que c'est pas le seul thème du film. Oui, tout à fait. Et même lors de la conception, de la fabrication du film, on a d'ailleurs jonglé à l'idée que peut-être Zachary ne serait pas à la fin devenu homosexuel. Ce qui, à mon avis, aurait été pas mal regrettable parce que pour beaucoup de gens, ça a été quand même un film important parce que ça leur a permis à eux aussi de dire, ben si lui était capable de faire son coming out, ben moi aussi, je vais le faire. Et j'ai personnellement entendu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Donc, voilà un grand film populaire qui n'a pas la prétention d'avoir une esthétique gay d'être un film militant. Oui. Mais c'est quand même un film, je dirais, inspirant, énergique. Et ça reste tout simplement un très, très, très bon film. Avec, vous l'avez dit, hein, il y a cette thématique, le coming out, dans le cinéma de Xavier Dolan, parce que ça nous amène là aussi. Mm-hmm. Là, il n'y en a pas. En fait, ces films traitent de l'homosexualité, de la diversité sexuelle. Ça s'exprime au grand jour, y compris les scènes amoureuses, y compris les scènes de sexualité. Mm-hmm. En fait, lorsqu'on arrive avec Xavier Dolan, on est vraiment dans autre chose. On est dans le refus de s'excuser sur ce que l'on est sur le plan identitaire et sexuel. Ouais. C'était un peu... La question du coming out est un peu présente dans « J'ai tué ma mère », mais dans tous les films qui vont suivre, que ce soit « Tom à la ferme »,« Lawrence Anyways » ou « Les amours imaginaires », on aborde toutes sortes de questions liées à l'identité sexuelle et pas seulement à la question de l'homosexualité. Et je pense que Xavier Dolan a un peu cristallisé une époque où, justement, bon, il y a des gens qui disent la réalité LGBTQ+, blablabla, mm-hmm. c'est compliqué. Bien, si c'est compliqué, c'est parce que ça reflète beaucoup de choses différentes qui, enfin, s'expriment. Et je pense que Xavier Dolan, lui, a très, très bien senti ça et il ne s'excuse pas d'aborder toutes ces questions-là, même, par exemple, la question de l'homophobie intériorisée dans le cas de Tom à la ferme, parce que c'est très présent. Mm-hmm. Donc, je pense que lui et d'autres peuvent aborder ces questions-là de manière beaucoup plus franche, mais c'est sûr qu'il reste encore des histoires à raconter sur la réalité gay-lesbienne, il reste encore des démarches à explorer sur le plan esthétique, et c'est sûr que je pense qu'on n'a pas fini et on ne devrait pas arrêter de continuer à explorer ces questions-là. Elles sont, à mon avis, très importantes. Entre autres parce qu'elles sont encore parfois un peu taboues. On a juste à penser à la question de la transsexualité qui, pour beaucoup de gens, est aussi inconfortable que pouvait l'être la question de l'homosexualité il y a 30-40 ans. Oui, mais c'est à l'image de la société, en fait. Hein? Le cinéma évolue au même rythme. D'ailleurs, je voulais vous poser la question, est-ce que, quand on regarde ça, cette trame-là, est-ce que le Québec est différent? Si on faisait le même exercice en analysant, par exemple, le cinéma américain ou le cinéma français ou le cinéma italien, ben, c'est sûr est-ce qu'on en arriverait à peu près au même constat? C'est sûr que chaque cinéma national reflète les obsessions, les craintes, les aspirations de la société où ce cinéma émerge. Mais je vous dirais que le cinéma québécois, son avantage, c'est qu'il est soutenu par l'État. Et son désavantage, c'est qu'il est soutenu par l'État. Donc, c'est sûr que lorsque vient le temps de faire des films populaires, quand vient le temps de faire des films grand public, les sensibilités, les questions plus délicates sont abordées d'une autre façon que si vous êtes un cinéaste américain indépendant à New York et que vous n'avez pas à vous présenter devant des comités. Oui, pour signer votre scénario. Donc, exactement. Ouais. Donc ça, c'est sûr que je pense que les cinéastes québécois ont une certaine liberté, mais en même temps, d'autres font preuve d'autocensure. Et c'est sûr que toute l'histoire du cinéma québécois est jalonnée de cinéastes qui n'ont pas pu toujours dire ce qu'ils voulaient dire. Et parfois, ils l'ont dit d'une manière plus difficile parce qu'ils n'avaient pas les sous, ils ne pouvaient carrément pas faire leur film. Mais dans toutes les sociétés, il y a ces tiraillements-là sur les questions sexuelles de toute façon. André Lavoie, critique de cinéma au quotidien Le Devoir, merci beaucoup de votre visite. Merci, Maxime. Et si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez toujours le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou bien en vous abonnant simplement à notre balado-diffusion. Ici Maxime Coutier en remplacement de Jacques Beauchamp. Merci, à une prochaine.